Si vous êtes mes amis, à moi va falloir voter pour moi. Je veux être président. Oui, président. Oui, président. Dans. Dans. Oui, président. Je paierai plus mes impôts et je ferai le con avec des meufs dans la safrane, fran, fran. Je veux passer au JD de Jean-Pierre Pernaut et faire la bise à Claire Chazal, zal, zal. Oui, président, je veux être président. Oui, président. Oui, président. Ça, évident. Je veux des purs costards, les vannes pourries de bouffard, les dents de Joe Star. Je veux rouler en Lada, une moche, une Samara, qui broute et qu'avance pas. Alors. Alors votez pour moi. Votez Zoé. Au palais de l'Elysée, je vais tout casser, tout transformer pour faire la brinque, brinque, brinque. Dans mon bureau, je mettrai le chauffage à donf pour que les filles enlèvent leur fringue, fringue, fringue. Je peux tout faire. Je serai président. Il y aura plus de septennat, il y aura le trentennat. Je suis élu pour 30 ans, on fait tout péter. Je suis même élu à vie. Avec moi, je vais exploser l'Elysée. On en fait une gigantesque piste de danse. Vous serez invités tous les samedis soirs. Avec moi, la pollution, c'est pas propre. Le chômage, je suis contre. Et la sécurité, c'est pas gentil. Alors, alors, alors. Si j'étais toi, je voterais pour moi. Il veut être président. Alors, pourquoi tu voterais pas pour moi ?